quel horizon ? À l'issue de l'épreuve, qu'avons-nous donc appris ? Il m'arrive de boire et ce n'est pas fini, tant que me prend l'ivresse qui m'offre l'infini et l'oubli des projets que je n'ai entrepris. Mais point de réprimande à cause d'un flacon, m'en vouloir ne serait que me faire trop mal. Les soirées enfiévrées de folles bacchanales sont de mes souvenirs amis les plus féconds. Nous savons maintenant que le sort est fatal, qu'ensemble on s'aventure vers un avenir sombre. Qu'allons-nous devenir, ombre parmi les ombres, quand sur la terre hostile le danger est total ? On peut toujours se dire qu'en unissant nos vœux, nous serons mieux armés contre ce qui nous est. Mais qu'est-ce qui nous est parmi tout ce qui est que nous avons créé de si calamiteux ? Pourquoi l'hostilité de la belle nature, aujourd'hui dressée contre les agressions et toutes les blessures que nous lui infligeons, nous aurait en pitié malgré ce qu'elle endure ? Alors que la planète dit son désarroi, il est urgent de voir que l'avenir appelle la prudence des hommes, le courage, et du ciel préserver les promesses, l'harmonie et la joie.